Si on reste immobile, il faut quand même, même si on fait des pauses, rester active, hein, rester active. Alors, donc, juste pour... hier soir, on a beaucoup dansé, on a beaucoup fêté de l'autre côté, donc j'ai la voix cassée parce que je hurlais comme un fou. Donc voilà, c'est... donc, on est les huit pillards, c'est parce qu'en fait, le nom ici s'appelle Pillard. Pillard, c'était... Alors c'est intéressant l'histoire de ce lieu-là. Pillard est un ingénieur, il a rencontré dans la Première Guerre mondiale un collègue, je ne me souviens plus de son nom, qui était aviateur de guerre. Hein? Après la guerre, la fin de la guerre, il décide de faire des hydravions. Il trouve ça génial comme idée et ils essayent leur premier hydravion à Toulon, dans le rade de Toulon. Donc ça vient d'ici, ça a été fabriqué ici à ce moment-là. Donc ils ont fabriqué l'hydravion, etc. Et à un moment donné, Deuxième Guerre mondiale, ils disent waouh, on va voir toutes, on va voir les contrats pour les avions de guerre. Ça va être manque de bol. Et donc du coup, comme l'aviation française a capitulé, ils sont mis à faire des turbines et des brûleurs pour usines. Donc des brûleurs, des grosses brûleurs, c'est genre 30 mètres cubes, enfin, des gros trucs pour mettre du verre, du métal, etc. Donc ils fabriquaient ça, tout ça ici. Ce lieu-là a été fermé il y a 2 ans, mais cet étage était inoccupé depuis 5 ans et la même société avait le bas. Parce qu'en fait, il y a encore 3000 mètres carrés en bas. Ils sont partis, et donc en fait, c'est à l'époque où les entreprises sont éclatées, ils sont partis tous à l'endroit où on peut faire de l'argent. Plus qu'ici, et donc en Chine, en Inde, etc., etc. Les ouvriers ont été délocalisés, ils sont partis en Italie, ils sont partis là, voilà. Donc il y a eu un peu des heurts, mais malgré tout, on est allé voir les gens de Pillard parce qu'ils ont des bureaux administratifs derrière le stade Vélodrome à Marseille. Et donc Dorine est allée les voir, les gens de Pillard, et ils sont venus l'autre jour, une vingtaine, revoir leurs locaux parce qu'ils n'étaient pas revenus ici. Donc ils nous ont raconté ici où il y avait des plans avec les ingénieurs, les techniques. Ça c'était ici, ça c'était ça. Ce robinet ne marche pas, celui-là marche, etc. Donc c'était assez sympathique, c'était très très bien. Et ils nous ont même amené du très très très bon vin pour la qualité. Donc c'était formidable. Et donc du coup, on est là depuis 6 mois, mais c'était. Il n'y avait rien. Il y avait de l'eau, mais les tuyaux étaient pourris, donc il fallait changer entièrement l'eau. Et on était aussi, on a posé l'électricité. Pour le moment, il y a encore des câbles au sol, parce qu'on a un compteur de rien du tout qui saute tous les 3 minutes, parce qu'un met le chauffage, l'autre met le café, etc. Et du coup, depuis un mois maintenant, on a l'électricité réellement, mais pas tout le monde est branché encore. Puisque chacun a des temporalités différentes, il y a des gens qui bossent, qui sont en train de partir ailleurs, en Italie, bosser, ou voilà. Donc, et ils sont là quand ils peuvent être là, et donc voilà, donc ça avance doucement. Mais on commence à être un peu opérationnel. On a déjà fait 2 grandes fêtes d'anniversaire, qui est important. Et donc, ça commence très bien. Et en fait, on est à la base, on était trois entités. Il y a le cabanon vertical, qui sont des architectes, mais des architectes d'interventionnistes qui font des interventions dans l'espace public avec les habitants, là où ils se trouvent, etc. ETC, qui est aussi un groupe d'archi sorti de l'école de Strasbourg, je crois, non Paris, un peu Paris, Strasbourg. Et Strasbourg, qui travaille ici, c'est l'atelier. Donc ils travaillent beaucoup avec le bois blanc. C'est des architectes qui fabriquent des structures dans des lieux qui servent de restaurants temporaires, etc., etc. Et ils ont des relations tous les deux un peu politiques. Quand on fait ça, on a une relation un petit peu, on se dit, on se pose des questions. Donc là, c'est ETC qui ont leur atelier, le cabanon vertical. Et de ce côté, il y a le bureau des guides derrière. Vous savez ce que c'est le bureau des guides ? Le bureau des guides, c'est les gens qui ont, en 2013, à plusieurs ont inventé l'idée du GR13, qui est un circuit qui fait à peu près 80 km autour de l'étang de mer, autour de l'étoile. Le bureau des guides est né à la suite de fabrication du GR. Voilà, ouais. Et donc, eux, ils ont leur caravane, etc., stocké là-bas. Et de ce côté, le groupe FER, qui est un groupe de jeunes, des gens de la quarantaine à peu près, et qui sont des gens, il y a une vingtaine de personnes, et ils ont chacun une entrée très spécifique, des sérigraphes, des imprimeurs, du métal, du bois. Et en fait, c'est des gens qui se sont connus ensemble parce qu'ils faisaient beaucoup de fêtes. Et à un moment, ils se sont dit, mais attends, mais pourquoi on fait des fêtes en permanence? Pourquoi on ne travaille pas ensemble? Donc ils se sont mis à travailler ensemble, ils ont l'espace ici. Voilà, ça c'est ce coin-là, ils ont choisi de ne pas cloisonner pour profiter de ça, j'imagine. Ils avaient envie de garder la lumière de ces espaces, qui est quand même assez épatant. Michel, donc ça c'est, on a une entrée ici, donc on peut rentrer avec des gros camions. La première friche que j'ai occupée à Lyon, c'était 70 000 m² sous chêne. Donc ça c'est. Vous occupez que cet étage-là ? Que cet étage-là. Magnifique. Ça fait combien ? 4 500. Comme quand tu es dans la montagne. Non, pour le moment, il n'y a personne dans le sous, mais c'est en fait. Non, mais tu vois, c'est intéressant. Mais c'est pour les gens qui vont faire du stockage, des choses comme ça. Pas des entreprises. Quoi. Ça, je l'ai ressenti. Donc voilà, et donc, et on loue 3 000 mètres carrés. Quelque part, en fait, sur la cathédrale, encore un peu plus haute que ça. Donc on a réussi. Vous avez besoin de hauteur à dire que ce format-là. Oui, il faut vraiment 12 mètres pour qu'on soit renouvelé, qu'on soit renouvelé. C'est l'État et la région, ou l'État et la métropole. Il y a besoin de l'espace, de hauteur. EPF, voilà. Pour faire passer pour ils ont la trésorerie et généralement, ils achètent des lieux avec des projets à long terme. Nous, ici, c'est très précaire. Ils peuvent nous virer dans 3 mois. On ne sait pas. On s'est renseigné un petit peu quand même. Oui. Donc le PLU ici n'autorise pas de fabriquer, de détruire pour fabriquer des logements par exemple. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Voilà, ouais. Et donc du coup, ça peut changer, hein, ça change ce genre de choses. Mais bon, pour le moment, EPF. Et donc on sait, voilà, ça ne va pas être si tôt. Et aussi, c'est un peu une zone grise à Marseille, parce que les intérêts sont un petit peu ailleurs en ce moment. Quand ils vont vouloir détruire Plombières, je veux dire la passerelle de Plombières, qui est une passerelle qui est en bas, ils vont sans doute changer le quartier à ce moment-là. Mais jusqu'à là, c'est un peu. Alors avant que la passerelle tombe. Ça peut durer quelques temps. Et nous, on a intérêt à dire qu'on est indispensable ici pour pouvoir rester et de trouver des modalités. Donc évidemment, on travaille à ça. On s'est dit, bon, il faut fabriquer ce lieu-là et de dire... Donc c'est forcément des rapports d'un petit peu de force. Mais ils sont au courant, les gens de l'EPF. Ils sentent, ils voient qu'on ils s'investit vraiment. Ils se disent, mais si, on ne peut pas vous virer dans 3 mois, forcément. Parce que le bon moment était bon. C'est tout un travail. C'était une SCI qui... Mais on ne sait jamais. Mais non, c'est un truc de fou. Mais vous avez un Ah non, pas de travail du tout, c'est précaire. Non. C'est un bail précaire. C'est sans droit ni titre, c'est pas pareil. C'est une convention d'occupation précaire. Oui. C'est quand même un bail. Mais c'est une convention, convention d'occupation. Ça ne veut rien dire. Qui est, non, il y a un petit peu des règles. Oui, il y a quelques règles. Voilà. Mais ils peuvent nous mettre dehors. Il y a une association, les 8 billards, qui a signé. Ah oui, on est dans lequel on est tous collégialement. On est dans la précarité des règles, les règles précaires. Et ils doivent nous donner un préavis de 6 mois s'ils veulent qu'on parte. Et en effet, ils peuvent rompre la convention. Elle est signée jusqu'à fin 2022. Mm-hmm. Et ensuite, elle sera renouvelée pendant 5 ans, tous les 5 ans. Mais c'est quand même une convention d'occupation qui est d'emblée sur 5 ans. Qui est sur 3 ans et demi. Sur 3 ans et demi. Parce qu'ils étaient déjà dans pour une convention d'occupation précaire, j'ai eu bien pire. Souvent, c'est sur 1 an. Oui, mais ça 2 ans. Ils peuvent nous faire sortir. Avant. Ils ont 6 mois de préavis pour vous sortir, c'est ça. Même une fois en passage en convention, 5 ans. Oui, tout à fait. Il y aura toujours les 6 mois. C'est 6 mois de préavis. C'est ce que j'allais dire. Ce qui est important aussi à dire, c'est que la tractation a été un peu longue. Hein. Ça a été quand même de janvier. La première fois qu'on a visité, c'était en janvier. Ouais. Et là, on a signé à la fin du mois de juin. Donc on a mis six mois pour se mettre d'accord. Et aussi pour justement mesurer de part et d'autre, parce qu'eux, ils n'ont pas pris la décision non plus tout de suite. Hein. Il y avait des gens qui poussaient à l'intérieur de l'EPFR et d'autres qui, au contraire, freinaient. Et l'idée, c'était que justement, ils voulaient mesurer à quel point faire venir 60 personnes dans un lieu, ils sentaient bien qu'ils n'allaient pas quand même nous mettre dehors non plus tout de suite, quoi. Enfin, oui. Parce qu'ils nous proposent un loyer qui est très modique, donc beaucoup moins que 1 euro le mètre carré. Et en échange, nous, on a tout à faire. Donc on investit quand même beaucoup de notre temps. Pour l'instant, on n'a pas d'argent, donc on investit très peu d'argent, mais quand même. Et puis, on va arriver en 2020 où on va demander des aides à un certain nombre de collectivités qui sont prêts à aussi mettre un petit peu d'argent dans, au moins dans la mise en conformité, etc. Et donc, donc tout ça, ils se parlent entre eux. Et, bon, voilà. Donc on pense qu'on a un terrain plutôt favorable pour plusieurs années. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un accord qui est quand même fragile. Allez, bouge. Allez. Ok. Allez, plus ça, plus ça. J'espionne. On fait les majorettes comme en 2013. C'est vrai, ils avaient fait ça. Je sais plus si c'est Sextant Plus ou. C'est une des associations art plastique de la Friche. Mmh. En 2013, pour l'inauguration du tunnel des Mille Signes, il y avait des majorettes. Ah, j'avais. Moi, je faisais des percussions et les majorettes étaient là. Mais ça existe encore, ça me paraît fou. Mais moi aussi, c'est ce que j'ai. C'est été ma réflexion. J'ai dit, ah bon? Avec des boules et faire. faire du enfouissement, voilà. Donc eux, ils nous autorisent de venir démonter des usines, et donc on récupère beaucoup, beaucoup de matériaux, et du coup, qui servent à chacun pour monter des... Voilà. Ah ben, oui, c'est là, c'est pour toute la communauté, là. Donc on stoppe là, et voilà. Merci. Sento freddo. Des trucs en commun qui récupèrent. Mmh. Il y en avait plein, ouais, dans la cuisine. T'aurais pu en prendre un peu aussi. Oui, ah, c'est ça. Non, c'est un partage. Pas le travail, j'avais oublié. Ça, c'est une des choses, une des premières choses que fait perdre la pression foncière sur nos lieux. C'est la capacité de stockage, et c'est essentiel dans les économies qu'on est capable de générer. Ce truc-là, quand tu le perds, perdre du coup la pression financière. Pourquoi la pression foncière, ce que la pression foncière fait perdre à nos pratiques d'occupation de l'espace, la première chose qu'elle fait perdre, c'est la capacité de stockage. La capacité de stockage, qui est du coup, parce que du coup tout le monde a dans l'espace, donc on sert, donc on vire le stock, on en veut aux autres, mais qu'est-ce que tu as encore stocké comme merde, on passe son temps à se disputer autour de ça, et du coup on se retrouve bientôt sans capacité de stock, et du coup comme on n'a plus de capacité de stock, on n'a plus de capacité de générer des économies, parce qu'on n'est plus capable de transformer. Parce qu'on n'est plus capable de transformer. Et sans transformation, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et sans valeur ajoutée, t'as pas d'économie et t'es mort. Putain d'enfoiré. Même la nourriture. Surtout la nourriture. Aussi pour inventer des trucs, tu vois. Non, mais bien sûr, c'est ça. C'est hyper précieux. C'est cette dimension ressourcerie, recyclerie. Ouais. Ce truc-là, à la friche RVI, quand on avait 35 000 m², on avait une ressourcerie, elle était immense. Il a fallu 10 camions poids lourds pour la déménager. Ah ouais. Ouais. Et puis, ensuite, quand on est passé à 3500 m², ça a changé d'envergure. Ouais. Et puis, du coup, qu'est-ce que c'est transformé ? Du coup, les gens, ils sont mis à faire des porte-monnaies en textile. Avant, on faisait des défilés de mode. On a maintenant des porte-monnaies. Ah, bah voilà. Bon, bah. Ouais. Et oui. Ah bah. Demain, ils font des badges. C'est ça, exactement. L'étape suivante, c'est des Chinois qui font des badges en sous-sol. Je peux prendre un nom et un numéro de téléphone, Jules. Ouais, avec plaisir. Jules Dégoutte, D-E-S. G-O-U-D-T-E. Voilà, très bien. Après, Jules.Dégoutte. Comme ça s'écrit. Artfactories.net. Et le téléphone, c'est 06 48 30 80 24. Super. Ouais. Top. En fait, je te demande ça parce que moi, je vais une fois par mois à Paris. Ouais. Et j'ai un ami qui habite à Château Rouge, pas très loin de Pantin et tout ça. Et je me disais que peut-être ça, lui qui est dans la même démarche que moi et tout ça, ça pourrait être intéressant si l'occasion se donne, tu vois, de passer un coup de fil pour peut-être se boire un café. Avec plaisir, carrément. Croquer un bout, je ne sais quoi, et continuer la discussion. Parce que j'ai l'impression que ça permettrait pour lui et pour moi de continuer à clarifier. Parce que j'aime bien le fait que tu partes un peu justement du niveau philosophique, parce que moi, c'est là que je m'accroche, c'est mon entrée. Et qu'en même temps tu puisses nous amener un peu plus sur un domaine que Julien, mon ami, maîtrise je crois plus que moi, qui est justement voilà, les questions juridiques, je t'entendais parler de droit de propriété. De droit de propriété et tout ça. Donc voilà, peut-être continuer cet échange directement sur Paris, c'était un moment. Ah bah avec plaisir, carrément. Dans les mois qui viennent. Oui. Je suis encore à peu près capable de disposer de mon temps. Je me manque d'espace, mais ça tient. Super. Ah, c'est beau, ça me plaît. C'est vrai, tu repars ? Bon alors, bonne journée à toi. Ravi de t'avoir rencontré. Pareil, et ben, on se dit sur Paris. On se voit à Naples, on se voit à Paris. En plus, on se voit à Naples aussi, parce que moi aussi, je serai à Naples. Ouais, j'ai envie d'être à Naples. Enfin, je sais pas quand je serai à Naples, mais je serai à Naples bientôt. Ouais, être à Naples. Bientôt. On fait pas des commences campanantes sympas. Bah c'est ça, on est d'accord. Du on coup... à Naples, tu crois sur nous. Bah ouais, avant. C'est ça. Super. Yep. Salut, porte-toi bien. Salut. Ah, oh, pardon. Bon retour, bonne suite. On a dit c'est trop petit quand même. On est un peu à l'étroit. Oui. Non, hein, c'est un peu petit. Oui, d'accord. Et c'est... Elle rigole, mais c'est... Moi, je ris jaune. Parce que moi, je suis parisien depuis 6 mois. Ben, c'est ce qui me semblait. Hein. Et l'espace à Paris, c'est vrai que c'est... Bah, pour avoir été parisienne longtemps, je sais. Ouais, c'est ça. Quel espace à c'est... Paris. Hein, tu vois, regarde, mon appartement, si je réfléchis à ce qu'il occupe, là, comme volume... Hein, je pense que je peux le mettre dans le coin là. Des petits coins, là tu traces un petit truc comme ça, le shed là, deux sheds. Et puis la poutre. Là-haut, là, paf, c'est ça. Et sans hauteur. Non, il n'est pas en hauteur, je veux dire, non, j'ai juste. Non, j'ai dit sans hauteur de plafond. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il d'accord. Est coincé, qu'il est coincé là, tu vois, entre le plafond et donc, le. J'avais bien compris ce que oui, tu disais. C'est ça, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est. Bah oui, c'est. Bon. Et après, si tu viens à Naples, on peut aussi faire une géographie, on l'appelle géographie du son. Géographie de son, du son. Du son et de... Du son of the sound. Ah, du son, du géographie son. Du son. Ah oui, géographie sonore. Mais c'est un artiste, je ne sais pas, mais je finis cette chose. Ah bah, je t'en prie. Elle fait Skype. Elle est toujours en réunion Skype. Marie, comment ça va du son. Je trouve ça donc super. C'est un artiste local qui joue avec un artiste étranger. Ah, ok. Ce matin, ah oui. Faisait en même temps comme tu as fait avec Vito. Elle répond à mon appel. Alors, ça, c'est. C'est pour les. Et voilà, on reconnaît un bon Frichard. À ces outils. Ben puis en plus, je veux dire, c'était très quand au comptoir, tout était vachement bien rangé. Ah oui, c'est vrai. C'était magnifique leur atelier. Atelier de bricolage ouvert. Oui. Ouais, c'était très sympa. Ils se soignent et la décoration. Voilà, exactement. Oui. y a déjà des gens qui jouent de la guitare. Moi, c'est des gens bien. Qui viennent faire des stages chez nous. Oui. Des gens fréquentables. Oui. Oui. Chose, moi, je les ai connus avec ça. Ce ah oui, Marie Mira. Mais bien avant. C'est un village quand vous transportable. Mais quand vous l'aviez présenté la première fois, c'est bien avant 2007. C'est en 94 à l'île Maurice. Et ça a commencé à l'île Maurice, oui. Avec des gens qu'on a rencontrés là-bas. Nous, on venait de l'art contemporain. On s'est dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe dans le monde de la créativité, l'esthétique, mais populaire. Comment est-ce que c'est quoi les comment c'est quoi les déclenchements qui fait qu'on a besoin de l'esthétique pour vivre tous les jours. Et donc, on a rencontré à l'île Maurice des gens qui avaient des familles entières, qui travaillaient ensemble, mais qui étaient tout breakdance, qui étaient fous. Donc, une des dames qui fabriquait des bouquets de fleurs avec des bouteilles en plastique, elle, ça, comme ça, là, par exemple, et qui les taillait et faisait avec des petits ciseaux et qui fabriquait des bouquets de fleurs comme des verres de Venise, mais c'était du plastique qu'elle ramassait des bouteilles de coca, etc. Voilà. Oui, donc en voyant ça et en voyant le fait qu'il y avait des familles entières qui travaillaient ensemble, il y avait elle plus d'autres personnes, on s'est dit ben, tiens, au lieu d'aller dans une galerie d'art et de faire une installation, on va fabriquer une maison. Et donc du coup on a commencé sur ce procédé là de fabriquer une maison et donc se poser la question de l'habiter. C'est quoi de vivre, quelque part? Comment, et qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? On a besoin de l'esthétique, parce que c'est fondamental, l'esthétique. L'esthétique dans le sens où c'est la forme, les couleurs, mais elle vient d'un besoin. Et ce besoin, c'est une nécessité de vie. Moi, je me souviens d'avoir travaillé dans des camps de squatteurs en Afrique du Sud, où les gens avaient ramassé un ballon de tennis jaune, ils l'avaient mis dans des palettes dans leur maison. Parce que ce jaune était important pour vivre pour le lendemain, jusqu'au lendemain. Donc c'est que finalement, on dit que c'est la nourriture qui est essentielle, évidemment, mais l'esthétique est absolument essentielle à l'existence. Parce qu'on a besoin des choses à soi qui ont du sens, qui prennent du sens, et c'est de la couleur, c'est de la forme, c'est le dessin dans tous ses sens, quoi, je veux dire, le geste, etc. Tout ça font partie d'une qualité humaine qui conforte et réconforte son existence. Donc c'est à partir de ça qu'on a développé tout notre travail. Et donc Marie Mira a commencé à l'île Maurice et ensuite a voyagé à Marseille. Oui, on a rencontré des nouvelles personnes, on a fait des extensions de la maison, on est parti à Paris, on a rencontré d'autres personnes, on est parti aux îles Fidji, on a rencontré encore d'autres personnes, etc. Donc elle a voyagé dans le monde et à chaque fois, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de village transportable. Mais il y a bien eu lieu sur l'esplanade du Mucem. On a été là-bas pendant en 2007, c'est assez ancien. Ah, c'est 2007 Oui, oui. Il y a un très beau mot ça, quand tu disais dans la langue française Mucem, qui dit ça, qui dit ça très bien, qui contient ça, c'est demeurer. Oui, demeurer, oui. Ce qui demeure. Ce qui demeure, oui. Ce qui est pas mal aussi avec demeurer, c'est quand on dit on est demeuré. Il y a des demeurés. Voilà, c'est assez épatant. C'est parfait. C'est parfait. Ils étaient là, c'est ça. Ben, on n'a pas fini d'aménager vraiment les choses, donc on est en train de faire. Mais bon, là, on a fait ça. Vous travaillez le 23 sur les lieux intermédiaires. Ah, bah oui, c'est nous qui organisons alors. C'est déjà passé, hein. Non ? Bah si. 23 janvier. 23 janvier. Ah, mais c'est la semaine prochaine. Je sais, c'est mon prochain rendez-vous professionnel. Et moi je suis filmée pour un bout, Et ben voilà. T'es filmée pour un bout ? La ville. Mais ça fait plaisir de voir que l'info est passée jusqu'ici. Ben oui, donc ils y vont peut-être. Bah, peut-être. Nature. En tout cas, ils sont au courant. Oui. C'est le mot nature. Il y a un cabanon vertical pour installer environ là. Ah, vous êtes bien quand même. Non, c'est pas mal. Non, c'est très. Il y a beaucoup de potentiel en tout cas. Oui, oui. Donc ça, c'est bien. Et en fait, moi, des expériences dans le jardin, mais aussi ce qui est fait dans les. Ok. Donc on a fait un départ. Là, on vous a amené dans la pièce maîtresse. Venez voir la pièce maîtresse. Venez, venez. La pièce maîtresse. 23 janvier à Paris. Pas du tout, on a, à Nantes. À Nantes, ah, c'est bien. Dans le cadre, dans le cadre des BIS. Ben oui. Ça va être l'occasion de justement de parler de ce programme interministériel sur les tiers-lieux. Ah. Et d'essayer de voir quelle est la place de la culture là-dedans, au juste, pour comprendre. Pour essayer de comprendre. Ouais. De se mettre d'accord. Venez, venez. Tout le monde parle espagnol, français, italien maintenant. Oui, c'est ça. Il manque pas. On n'a pas besoin de traduction. C'est fini. C'est hallucinant. En deux jours, en fait, c'était le tour des ouvriers. Parce qu'il y a quelques centaines de personnes qui avaient été dans cette ville. Et donc, il y avait beaucoup de pièces. La pièce maîtresse. Bah là, on monte. Hein. Premier petit étage de... Voilà, ça c'est un petit rien du tout, mais très sympathique. On voit Plombières et on voit la passerelle de Plombières. On voit les pompiers qui sont en face de nous, donc on est tranquille. Les marins-pompiers. Les marins-pompiers. Voilà. Donc ça, c'est un tour, ça monte. Et là, on est sorti vers l'extérieur, on va voir dans... Les pompiers de Marseille. Bah, ceux qui vont éteindre les feux en pleine mer. Parce que c'est un corps très particulier qui a été créé après les grands incendies des nouvelles galeries à Marseille. C'est en 1936 ou 1938. Il y a eu de telles... De la mer. Oui, mais il y a eu de telles carences dans... la lutte contre l'incendie, telle carence en matière de par les pompiers traditionnels, qu'il a été décidé par l'État et la ville, et l'État se met sous la, de créer un bataillon très particulier qui est les marins pompiers de Marseille, et c'est la seule ville. C'est qu'ils sont en même temps, ils peuvent intervenir sur le port, ils interviennent sur le port, ils peuvent. Voilà, en tant que pompiers, puisque comme on a vu la telle carence qui va arriver à ce moment-là pour un incendie sur la Canebière. Tout le monde s'est posé la question, tout le port était à Marseille, de l'insécurité dans laquelle était la ville. Donc il a été créé ce bataillon de marins-pompiers pour intervenir sur la ville. C'est très parti, ils interviennent tant dans la ville que sur le port. Et ils peuvent aller chercher. Voilà, c'est dedans, c'est marins-pompiers, c'est très particulier. Là, c'est quand tu portes pas. Bibliothèque. Merci. C'est pour ceux qui disaient. Ah, oui, bah oui. Comment ça, la bibliothèque? Ça, c'était la cellule. La cellule, voilà. Voilà. Quand l'ouvrier n'était pas assez sage ou autre, voilà. On mettait là 2 heures. Il était obligé de lire tous les livres. Il pouvait... Non, c'est ce qu'on appelle un rat de bibliothèque, si j'ai bien compris. C'était un rat de bibliothèque, là. Voilà. Et après, il faisait un rapport. Il y avait des ratés. C'est une session d'usage ou c'est occupé ou c'est quelle histoire? Parce qu'on n'a pas été... Vous n'avez pas bien suivi. On était dans un meeting. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, pas de souci. C'est une convention d'occupation. Ça veut dire que c'est un propriétaire privé qui a passé un... C'est pas exactement un contrat de location. Non, c'est un contrat de loyer. Mais... C'est contre un loyer très, très modique, très bas. Un loyer très bas. Moins de 1 euro le mètre carré. Moins de 1 euro le mètre carré. Même beaucoup moins. C'est, mais... Mais de façon précaire. Mais d'une manière précaire. Ce propriétaire a dit au collectif d'artistes qui peuvent occuper le lieu pourvu qu'ils prennent en charge tous les travaux. Per un lloguer molt petit, això els hi deixa ocupar, però fan ells tots els treballs de... Ah, és com una masoveria... Com... Masoveria urbana, no? Tu diries? Ils ont une convention pour 5 ans. Pour 5 ans. A priori. Et il y a un accord. Il y a un accord pour faire le travail. Il y a un accord parce qu'ils ont de faire des réparations concrètes. Ils doivent faire des réparations spécifiques ou ce qu'ils veulent. Non, c'est simplement que du coup, l'électricité ils ont la responsabilité. De ce qu'ils font dans les lieux. Ça... Pour les activités. Oui. Ils ont une responsabilité sur les activités qu'ils font. Ça veut dire que... Responsabilité civile et tout ça. Donc, il va falloir qu'on fasse l'électricité, non? Donc, ils ont... Oui, vous avez vu, ils ont déjà fait beaucoup de travaux. Et ça, c'est... Quand on... disait l'autre fois qu'on s'est vu, elle me racontait qu'il y avait des espaces que les gens croyaient que les immobilières voulaient que des artistes y allaient pour gentrifier le... Et ça, oui. C'est un cas de ça ou pas? Pourrait l'être. Ça pourrait l'être, c'est pas tellement le cas. C'est en fait, dans le quartier, oui. C'est un peu un sujet. C'est un quartier très peu, et voilà, et où il y a beaucoup de disponibilité foncière et où il y a un projet d'aménagement à terme, mais pas tout à fait ici. Là où les équipes qui ont occupé ce bâtiment ont été prudentes, mais de ce point de vue-là, c'est que il n'y a pas de projet d'aménagement sur ce tenement, cette partie du quartier. Il n'y en a pas parce que il y a ici une passerelle qui ne peut pas être démontée et tant qu'elle n'est pas démontée, ici ce ne sera pas réaménagé. Donc il y a des années, il y a quelques années devant eux. Donc il y a un enjeu et du coup le propriétaire ne sait pas quoi faire, il n'a pas de projet pour cet endroit. Et c'est un propriétaire privé. Et par contre, juste à côté, il y a un tenement sur lequel il y a un gros projet d'aménagement et une politique de la municipalité et de l'aménageur de mise à disposition d'occupation temporaire pour des artistes qui répond à une logique de commande publique dans une perspective de gentrification. Ce qui fait que il y a quand même ce sujet-là qui est posé là dans le quartier. Et eux, ils avaient le choix d'ailleurs entre des bâtiments là-bas, dans des espaces qui étaient en meilleur état, mais où c'était une commande et il fallait rentrer du coup à l'intérieur d'un projet d'aménagement qui était déjà fait. Et ici, où c'est moins, c'est plus vétuste, mais où il y a, comme il n'y a pas de projet écrit, ils peuvent peut-être inventer le leur et à la fin l'imposer. Et faire que ça reste. Donc ils ont préféré ici pour cette raison-là. Mais tu vois, et les enjeux sont complexes et cet équilibre n'est pas clair. Ce qui bouge ici, ce qui va venir, c'est le même endroit qu'il y a Emmanuel. Certains font. Non. Celui qui vient ici. Alors, Dorine et les pas perdus, Guy André et Dorine. Non, pardon, je ne t'appelais pas, je te donnais un exemple. Dorine et Guy André font partie des pas perdus qui étaient au comptoir de la Victorine, là où il y a Emmanuel, et ils viennent ici maintenant. Mais il y en a, les autres qui se sont alliés à eux pour occuper ici, ils sont 8 structures différentes, ne viennent pas des pas perdus, ne viennent pas du comptoir de la Victorine, ils viennent d'ailleurs. Donc c'est des recombinaisons, c'est ça. Parce que je pensais qu'on allait là. Au comptoir ? Oui. Mais non. C'est pas si loin. Ça semble loin, mais c'est pas si loin. Non, non, non. Mais c'est pas très loin d'ici non plus d'ailleurs. Ah. Oui. Mais le comptoir. Le comptoir. On y est allé à voilà. C'est ça. Et du coup, on s'était dit qu'on. Là, c'était un lieu nouveau. Ça valait le coup de le voir. Ma cosa producevano in questa fabbrica? C'est une usine de construction d'hydravions. Hydravions ? Des avions qui vont sur l'eau. Oui, c'est drôle, non ? Oui. Ouais. On n'imaginerait pas. Non. On voit les stacks d'ici. Peut-être. Non, c'est de l'autre côté des stacks. Oui. Non, c'est de cette côté. Ah bon ? Oui, parce que quand on est arrivé de Barcelone, on y est passé. Ah oui, oui, là, d'accord. On est passé par les stacks. Je dirais que c'est là. Oui, bah, oui c'est là-bas. Non, non. Non, non, t'as raison. C'est ce qui est là que c'est fabrique. C'est que l'idée. D'hydravion. Oui, donc cette petite impasse là, il y a un accès dans la tour. En fait, les ouvriers venaient par là. Ils rentraient là, ils mettaient leur vélo, il y a encore un petit truc, voilà. Donc c'est l'idée que peut-être cette tour, on peut lui faire un ERP, que du coup, plus facilement travailler vraiment, voilà. Parce que l'autre l'ouverture. Partie, c'est trop gigantesque, quoi. Et, vous n'y arriverez jamais. Travailler, voilà. C'est de partir sur ça, c'est comme si oui, oui. On se casse, oui, on se détruit soi-même, quoi. Oui, oui. Donc on va pas faire ça et on va aller sur cet endroit-là et puis après les gens ils rentrent. Pas de problème, hein. Mais, voilà. Donc oui, oui, oui, d'accord, très bien. Donc l'entrée publique. Donc voilà, et bon, on parle à tout aussi, mais un peu un ERP quoi, penser ici, oui. Dire que voilà, je sais pas, mais en tout cas, dire qu'on est aux normes pour recevoir les gens. Ici, dans cet espace-là. Voilà. Que, du coup, ça peut être utilisé de manière aussi beaucoup plus souple, plus autonome, tu vois, que. Parce que de l'autre côté, dès qu'on fait venir quelqu'un, en fait, ils ont accès à tout. Donc ça peut être compliqué de bien faire sûr. Venir des enfants, bien sûr. Voilà, dans un lieu de travail et tout. Donc, bah, en tout cas, du point de vue des normes de sécurité, ce ne sera pas dans les coups. Voilà. Oui, et, oui. Si trois dernières fois, c'est un propriétaire privé. Le PFR ? Le PFR. Non, c'est un établissement public. Alors, c'est quoi comme établissement public ? C'est l'établissement public foncier. Ah, voilà. Celui qui est dans toutes les régions. Régi par de l'argent, de l'État, des collectivités, ils mettent au beau, ils investissent, ils investissent pas, et eux, ils achètent pour le compte des collectivités. En principe, ici, ça a été acheté pour le compte de la métropole. Voilà. Mais c'est pas formellement, on ne nous l'a pas écrit, c'est ce qu'on nous a dit. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent comme loyer ? Loyer 3000. Pour l'ensemble ? Par mois. Et il y a quelle surface ? On a 4005, mais on a dit qu'il n'y avait que 3000 utilisables. C'est pour ça qu'on est à 1 euro le mètre carré. Ok. Mais en fait, on a 1500 mètres carrés. Toute la tour, par exemple, nous l'ont donné, on ne la voulait pas. Ah oui ? Tu te rends compte ? Ah ouais. Ben, on ne la voulait pas parce c'est que le cadeau. C'était dans un sale état. Mmh. Et on s'est dit, bon, on ne sait pas comment on va faire et tout. Comme ils nous l'ont donné, on a dit, ben, et puis finalement, heureusement. Hein, bah, c'est ce que j'allais dire. Parce que ça complète vachement. Parce que du coup, en fait, c'est. C'est important. C'est important. Ça va être l'équilibre ouais. Du rapport au public, oui, notamment. Ouais. C'est un enjeu important, ça. Oui, c'est important. Ouais. D'accord. Ça appartient à l'EPFR aussi. Ah, ouais, ouais, ouais, ça appartient à l'EPFR. Donc le terrain qui est juste devant, je ne sais pas si tu l'as vu là, ouais. C'est un grand terrain qui a été donc un camp de Rome pendant de nombreuses années, un camp assez important. Et il est adossé au KFC et il appartient aussi à l'EPFR. D'accord. Donc par contre, il est pollué. Et quoi ? De l'huile industrielle. Donc, parce que c'est un endroit extraordinaire pour faire de l'agriculture urbaine, avec la terre, mais il paraît qu'il n'est pas. Voilà. Après, c'est du boulot, ça peut fonctionner. Hein. La dépollution. Il faut la dépollution, c'est du boulot. Hein. Et puis, ça. Non, il y a d'autres techniques, ça ouais. Dépend des produits. Tu dégrades l'huile, ouais. Ouais. Ouais, mais il faut être bon, quoi. Ouais, c'est ça. Faut planter beaucoup. Ouais, puis il faut être capable d'analyser la terre, de prendre des mesures. C'est un travail d'ingénieur, quoi. D'ingénieur microbiologiste. Ouais, il y en a, ils sont bons, hein, ils font ça. Hein. C'est juste que faut les trouver, faut la compétence, faut les mettre dans le coup. Ouais, c'est pas rien. Voilà. C'est pas rien, ouais. Après, il faut qu'il y ait un projet qui se monte. Quoi. Nous, on serait super heureux, hein, parce que ça serait tellement fort. Mais à l'intérieur même de nos ressources à nous, il n'y a pas vraiment ça pour l'instant. On en connaît un peu, mais... À la Friche Lamartine, à Lyon, quand ils ont été relogés, là, ça fait pas très longtemps, il y avait pareil un terrain vague juste derrière. La mairie a fait les travaux d'aménagement avant qu'ils arrivent. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout bitumé. Ensuite, je dis, bon, on a été gentils, on vous a fait ça en plus, tu vois, c'est cadeau quoi. Cadeau comme ça, vous avez un beau parking. Et là, ils ont tous fait, mais c'est pas possible, mais ils peuvent pas être aussi cons. Et ensuite, après, ils disaient, on a dépensé beaucoup d'argent pour vous. Hein. Ah ouais, on a dépensé beaucoup d'argent pour vous. Pour hein. Truc, on a, ah oui, c'est gentil, vous nous avez bitumé le machin et vous avez ensuite construit des cellules en parchemin dans lesquelles nous enfermer. Merci, chef! De s'occuper si bien de moi. C'est dingue. Hein. Ouais. Ils sont quand même. D'où la maîtrise d'usage. D'où la maîtrise d'usage. Ouais. Bah, vraiment. C'était vraiment ça le sujet. C'est tellement ça le sujet. Quoi. C'est bon. Enfin, là, vous avez du coup, pour le coup. Alors, on a un peu la maîtrise d'usage. Une possibilité de l'exercer. Voilà. Par exemple, dans notre atelier, là où on a marché tout à l'heure, il y a une fosse. Tu étais dessus. Ouais. Bon, ça, c'était un trou. Ouais. Qui accédait au rez-de-chaussée parce qu'eux, ils faisaient monter des trucs très lourds et donc il y avait un énorme ballon qui prenait des choses, qui les montait. Donc ils nous ont dit, vous pouvez éventuellement juste boucher comme ça pour être autonome le haut et le bas, mais vous n'avez pas le droit de faire un plancher parce que, en gros, on est propriétaire, donc comme comme on ne veut pas le faire nous-mêmes, parce qu'au début on leur a dit, faites-le. Ils disent non. Du coup, on a pris sur nous de le faire. Ils ne vont rien nous dire. Mais vous avez quand même dit qu'ils ne voulaient pas que vous le fassiez. Voilà. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse quelque chose sur lequel les gens vont marcher. Pas changer la structure du bâtiment, pas toucher à l'immeuble. Pas faire de ce trou un plancher. Un truc qui. Parce que. C'est ça dont ça relève. On est resté en sécurité, toujours. Oui, toujours la question de la sécurité. Qui aide à donner des contraintes. Bon, après, c'est ça. Je pense que. Et alors, regardez, c'est quand même rigolo. Là, au droit, il y a l'espèce de cheminée, là. Ouais. Et ben, il y a la toiture du comptoir. C'est chez toi, là. Ah, Camille. Mais oui, avec la bâche. La bâche. Voilà. C'est chez nous, donc on peut surveiller d'ici. Ben voilà. Du coup, c'est bien, je vois que la bâche est toujours là. Tout va bien, la bâche est là, la énième bâche. En fait, après, c'est plutôt de l'autre côté, apparemment, c'est un peu souci. Ah ouais. En général. Mais alors, vous, parce que tu sais que Camille travaille pour production, autrement dit, ils sont dans l'immeuble, dans le bâtiment qui a brûlé. Ils sont au rez-de-chaussée. Donc nous, on n'a pas le droit d'aller un an et demi. Et eux, ils ont surtout le droit de continuer à subir les dégâts des eaux. Et ils sont toujours là, en activité. Depuis... On est là depuis 10 ans. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, depuis l'incendie, ça fait un an et demi. Ça fait deux ans. Deux ans. Ça va faire deux ans, là, bientôt. Là. Mais comment c'est possible qu'il y ait encore une bâche après deux ans de... Et qu'ils ont voté, hein. Ils ont voté 400 000 euros pour... Et alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Fermer le caquet et tout. Non, un plus en... Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font que... Ils prennent... Mais je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, c'est-à-dire ils l'ont voté. À mon avis, ils le prennent pour faire autre chose. La ville de Marseille, c'est des gros partis. C'est pas juste de l'incapacité. Après, je pense qu'il y a un blocage au niveau technicien. Des vrais vrais. Il n'y a que des malversations. Il faudrait tous être en taule. C'est très grave. Très, très grave. Et ça, c'est un exemple. En même temps, ça, là, ce truc-là, horrible, les immeubles là, qui ont été construits, ça c'est des cadeaux à l'immobilier. C'est des merdes ambulantes. Dans 10 ans, ça, c'est une horreur, quoi. Déjà, c'est défraîchi. Ça n'a même pas deux ans. C'est fait en dépit du bon sens. Aucune prise en compte de la réalité déjà un peu difficile de tout ce quartier où il n'y a pas assez d'écoles. Les écoles, de toute façon, tu connais hein, l'histoire des écoles à Marseille. Je veux dire, c'est fou, quoi. C'est un truc, une montée comme ça. C'est des arrangements, mais vraiment des arrangements mafieux. Oui. Et la corruption. Ouais. Mais nous, j'espère qu'on va se passer, parce que le désert technicien se juste devant pour mettre la vache. Il disait, mais le problème, c'est que là, il y a des pans de mur en haut, ils sont à nu, en fait. Il y a un endroit, en fait, où il y a... Et du coup, à tout moment, ça peut tomber. Enfin, vu que ça se dégrège avec l'eau, ça peut tomber dans la rue. Il y a des gros quérons comme ça qui font tomber de 30 mètres de haut dans la rue, quoi. Mais de toute façon, à mon avis, ce qu'ils veulent, c'est que ça continue à mourir. C'est pas possible. Ah bah oui. Là, que l'argent qui a même été voté là pour juste pour dire. Et parce que c'est pas compliqué de faire des travaux quand même, de faire des commandités au moins, ou de. Enfin, c'est quand même. C'est pas. Il s'agit d'une voiture. Oui. Après, tu vois, ils ont fait semblant, disant que la structure avait pris tout ça. Ah, tu leur dis, mais alors vous faites des études? Oui, on fait des études. Un an après, avec des avocats, nous, on demande de produire les études et tout. Ils ne les produisent pas. Ils s'en foutent. Et en plus, ils te disent, si, on est en train de le faire. C'est toujours en cours. Je vois bien. Ils se foutent complètement de moi. Je vois bien comment ils peuvent faire ce genre de choses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tellement affligeant que ça laisse un peu, ça coupe un peu les jambes, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. Ouais. Bon. Et du coup, dans ce deal conventionnel là, avec le PFR, là, vous avez la responsabilité des travaux. Oui. Mais du coup, vous avez la charge de l'entretien général du bâtiment ou simplement la responsabilité de la mise aux normes ou... Ah, on a la charge de l'entretien, sauf la couverture. Et ils ont finalement accepté aussi de nous remettre en service un énorme compteur qui est en bas. Donc, et qui nous alimente maintenant. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont fait intervenir les gens idoines en électricité, la suite de l'EDF, quoi, pour nous mettre en conformité de la grosse puissance. Ouais, voilà. Okay. Voilà, et la couverture. Et donc, en fait, plus couverture maintenant, ils se sont rendus compte aussi les évacuations. Ça aussi, ils le font. Voilà. Après, fenêtres et tout ça, ils ont dit non, alors que normalement, ça aurait dû être eux. Mais vu la quantité des fenêtres et tout ça, ils se sont dit, oh là là, on va leur dire non, parce qu'ils préfèrent nous donner... Ils ont préféré nous donner plus d'espace, baisser au maximum le loyer, mais voilà. Parce qu'en plus, c'est vrai que le PFR n'est pas dans ses compétences. c'est nouveau, si tu veux, oui, cette idée de mettre à disposition et d'avoir des habitants, en fait, dans des lieux. Et donc, ils n'ont pas cette culture-là. Oui, bien sûr. Ils ne savent pas forcément faire. Ils n'ont pas le budget, ce n'est pas leur mission. Donc, ça coûte, c'est vrai, d'entretenir un bâtiment. Quand tu l'as fait, pourquoi c'est le PFR et pas la métropole qui a contractualisé avec vous ? Parce que la métropole n'est pas propriétaire. Pour l'instant, c'est le PFR. La métropole va peut-être acheter, mais peut-être pas. Peut-être que ça va être un promoteur, peut-être que ça peut être une entreprise, peut-être que ça peut être Pillard qui revient, je dis n'importe quoi, tu vois, mais pour l'instant, la métropole, elle sait que... Elle a demandé à l'EPFR Pour l'instant, il n'y a pas de projet d'aménagement. Voilà. Donc, c'est dans les bras de l'EPFR. C'est ça. Donc, a racheté pour les collectivités au cas où. C'est ça. C'est ça ? Oui. Parce qu'il y a une perspective générale, mais pas encore très définie. Voilà. Parce qu'il y a une perspective sur le reste du quartier, peut-être. Il y a une perspective sur une transformation de Plombières. Voilà, c'est ça. À 10 ans, quelque chose comme ça. Okay. L'idée, c'est que de toute façon, ils font de la réserve foncière. Donc ils font de la réserve foncière sur le quartier en prévision de ça. Voilà. Ok. Ouais. Sans programme. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça vous laisse quand même a priori du temps et aussi la possibilité de travailler à ce programme. Voilà, de votre côté. Et de nous-mêmes nous positionner comme étant finalement dans les occupants idoines. Oui, bien sûr. Parce que en capacité de faire vivre un lieu, tu vois, en plus, il y a, par rapport en tous les cas à la perception qu'on a des retours du quartier, des habitants, si tu veux, on se rend bien compte que. L'idée de garder quelque chose qui a une histoire, pour eux, il n'y a pas photo, quoi. Entre ça ou le voir disparaître, tout le monde veut, même si le bâtiment lui-même, c'est l'industrie, c'est moche. À bientôt. Salut Alima. À bientôt. À bientôt. Ça m'a fait plaisir. Merci pour la musique aussi hier, c'est vraiment sympa, c'est super. Non, ça me fait plaisir. Et à bientôt, on se fait. Mais oui, carrément. Il faut qu'on... Bon, ben nous aussi, hein, à très bientôt. Hein. Ouais, bon, au plaisir. Je sais pas, on se fait un déjeuner, un dîner. Hein, un apéro. Voilà. Hein. Ah, parce avec toi et là, Sam. Sam. Ouais, voilà. Avec plaisir. Là, on a du pain sur la planche, à l'image, j'ai envie de te dire. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Et oui. Eh ben oui. Du coup. Ouais, mais tant mieux. Ah bah c'est super. Voilà. Bonne Allez. Réponse. Toujours. Tu vas aussi ? Non. Bientôt ? Ouais. À bientôt. Et donc du coup,